me suis mis à peindre hier. J'avais des envies d'outre-mer. J'ai fait une toile et dans tes yeux. Je voulais faire un grand ciel bleu. J'ai mis un soleil tout en haut. Une île déserte et noix de coco. Je voulais rêver un peu. Voler vers d'autres cieux. Imaginer des lieux. En fermant les yeux. J'ai posé sur l'eau une barre. J'ai peint en vert une baraque. Puis je me suis mis au milieu. Mais là je m'ennuyais un peu. J'ai rajouté une fille. Attendu qu'elle se déshabille. Je voulais rêver un peu, évader dans ce jeu. On était bien nous deux, on se sentait heureux. Demain je ferai un bord de mer. Je naviguerai sur un corset et je ferai le tour du monde aux couleurs de ma palette ronde. Mais je pense à la fille sans nom, celle qui m'attend sur mon lagon. Je voulais rêver un peu. Vers d'autres cieux, imaginer des lieux, en fermant les yeux. D'autres cieux, imaginez des lieux, c'est qu'en fermant les yeux.